l'acceptation de notre condition, loin s'en faut. Premier vendredi fiction de cette quatrième saison de la méthode scientifique. Comme nous nous sommes quittés, comme chaque année en début d'été, avec un programme de lecture pour les vacances, eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous emparer de la rentrée littéraire SF avec deux univers bien distincts, très distincts même, mais qui partagent tout de même une vision de notre société aux mains des algorithmes et d'une intelligence artificielle qui ne va pas exactement dans le sens d'une amélioration de notre condition, loin s'en faut. Fin de l'IA et îlot de résistance dans Civilisation 0.0 de Virginie Tournay, clone emprisonné, aliéné, forcé à la consommation et à la jouissance triste dans VTM de Jean Barret. De l'SF plein le cartable, c'est le programme littéraire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Virginie Tournay. Bonjour. Vous êtes la directrice de recherche CNRS Civilisation 0.0 et votre premier roman publié aux éditions Glyph. Bonjour Jean Marais. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, avocat et écrivain, passionné de culturisme également, on en reparlera. Après Bonheur TM qui a été sélectionné cette année pour le Grand Prix de l'Imaginaire, vous publiez donc en cette rentrée le deuxième volume de votre trilogie Trademark, ça s'appelle VTM, en attendant Mort TM pour l'an prochain, le tout aux éditions du Bélial. Mais avant de plonger dans vos univers respectifs, nous allons rester encore quelques minutes dans le présent et le réel de l'actualité scientifique de la semaine avec le Journal des Sciences. Bonjour Natacha Triou. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le Japon qui vient de réussir une greffe de cornée artificielle créée à partir de cellules souches reprogrammées. L'opération a eu lieu en juillet et depuis la greffe, la patiente de 40 ans n'a pas eu de rejet et surtout sa vision s'est améliorée. Elle souffrait d'une carence en cellules souches épithéliales de la cornée, une maladie qui conduit à la cécité. Pour cette opération, les chercheurs ont fabriqué en laboratoire un feuillet de cornée à partir de cellules souches reprogrammées pour devenir cornéennes. Ils ont ensuite transplanté de 3 à 4 millions de ces cellules souches. C'est une prouesse médicale, hein, c'est cela laisse entrevoir la possibilité de fabriquer des cornées à la demande. En France, il y a à peu près 4000 patients qui bénéficient de ces greffes, mais à partir de donneurs. Déjà, il n'y a pas assez de greffons et ensuite, les risques de rejet sont élevés. Christelle Monville est enseignante-chercheure à l'ISTEM. À ses yeux, les cellules souches IPS sont la prunelle de la médecine régénérative. Les cellules souches IPS sont des cellules dont on dit qu'elles sont pluripotentes. Alors pluripotentes, ça veut dire plusieurs potentiels, hein, et elles sont particulièrement intéressantes parce que ce sont des cellules qui peuvent se multiplier de façon normale. Donc on peut effectivement obtenir des millions de cellules. Ces cellules souches pluripotentes, on peut les obtenir en prélevant en fait des cellules de la peau, en les ce qu'on appelle nous reprogrammant grâce à un cocktail de gènes, c'est-à-dire qu'on les fait redevenir comme des cellules embryonnaires d'une certaine façon, donc on les fait revenir dans le temps à des cellules qui peuvent donner tous les tissus de l'organisme. Ce sont quand même des cellules qui sont beaucoup moins immunogènes que lorsque les cellules viennent d'un donneur. Ces cellules étant moins immunogènes, finalement, le risque d'avoir un rejet est beaucoup moins important. Donc de pouvoir fabriquer en laboratoire des cornées finalement à la demande d'une certaine façon, ça ouvre plein de possibilités. En bref, dans Physical Review Letters, des physiciens chinois viennent de proposer un nouveau modèle théorique de supraconducteur. Avec un composé riche en hydrogène, il pourrait conduire l'électricité sans résistance jusqu'à 200 degrés Celsius. Pour fonctionner, les supraconducteurs connus doivent être refroidis avec une température inférieure à la température ambiante. Si ce nouveau calcul est confirmé expérimentalement, cela révolutionnerait la transmission de l'électricité et cela permettrait surtout de grandes économies d'énergie. Selon une étude parue dans la Royal Society Open Science, les baleines apprennent le chant de leurs consœurs qu'elles croisent sur la route. On savait que les baleines transmettaient leur chant au sein d'une même famille de génération en génération, mais pas entre différentes populations. Cette équipe internationale a enregistré les chants de baleines à bosse dans plusieurs régions du monde, dont celui-ci. Des enregistrements qui viennent de plusieurs régions, donc, mais surtout près des îles de Kermadec, dans le Pacifique Sud, le carrefour migratoire des cétacés. Les chercheurs ont décomposé et séquencé chacune de ces chansons, et ils ont trouvé des variations de leurs chants selon les itinéraires des différents groupes. En écoutant le chant des baleines, on peut donc retracer leur route migratoire. Deuxième sujet de ce journal des sciences, selon une étude parue mercredi dans Science, quelle que soit la langue, la communication humaine transmet des informations au même débit. On savait déjà que certaines langues sont parlées plus rapidement que d'autres. Mais ce que montre cette étude, c'est que quelle que soit la vitesse d'élocution, le taux d'information transmis est sensiblement le même pour toutes les langues. Il y a environ 7000 langues parlées dans le monde et toutes utilisent des syllabes pour produire du sens. Sur 17 langues, cette équipe française a isolé des briques de syllabes. Ils ont mesuré la vitesse d'élocution, puis la densité moyenne d'informations et résultat. Plus le débit de parole est important, plus la densité d'informations est faible et inversement. Ils ont également calculé qu'en moyenne, les langues transmettent 39 bits d'informations par seconde. François Pellegrino est directeur de recherche au CNRS au laboratoire Dynamisme du Langage de l'Université de Lyon. Il a dirigé cette étude. Quand on regarde au final le débit d'informations des différentes langues, ils sont pas très différents d'une langue à l'autre, et ça donne l'impression qu'il y a une sorte d'attracteur, c'est-à-dire que toutes les langues, elles sont contraintes, et la contrainte vient probablement en partie du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes sociales, mais aussi des contraintes cognitives, elles sont contraintes vers un débit d'informations qui représente un point de fonctionnement, peut-être pas optimal, mais en tout cas un point de fonctionnement efficace pour transmettre de l'information. Ce qu'on montre, en fait, c'est que c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une tendance universelle, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas très strict et qui n'est pas forcément vérifié par toutes les langues, mais où les langues, globalement, ont tendance à respecter cet effet. On sait que les langues évoluent en permanence. Ce que suggère notre étude, et c'est des hypothèses qui seraient intéressantes à évaluer par la suite, c'est que si une langue a des changements qui vont par exemple diminuer assez fortement le nombre d'informations qui est encodé par syllabe, on s'attend à ce que les locuteurs accélèrent la manière dont ils parlent cette langue pour maintenir un débit d'information constant. Et vice-versa, si la quantité d'informations par syllabe augmente, on s'attend à ce que les locuteurs ralentissent. Et dans le journal des sciences qui est en quotidien maintenant tout au long de la semaine, nous avons parlé d'une double détection d'ondes gravitationnelles, nous avons vu les risques de l'ibuprofène pendant la grossesse, un rapport sur les perturbateurs endocriniens en France et la proximité de l'homme de Denisova avec Homo sapiens, mais aussi Natacha en ultra bref. Cette semaine, en seulement 2 nuits d'observation, les astronautes américains ont vu un astéroïde changer de couleur. Ses spectres sont passés du rougeâtre au bleu. Cela serait peut-être les effets de sa désintégration. Désormais, les logiciels de reconnaissance faciale fonctionnent aussi pour les chimpanzés. Plus précis et plus rapide que n'importe quel chercheur expérimenté, cela permettra d'étudier plus efficacement les animaux sauvages. Et cette semaine enfin, les nouvelles normes USB 4 ont été finalisées et présentées avec des capacités de transfert de données pouvant aller jusqu'à 40 gigabits par seconde. Les premiers appareils ne sortiront pas avant 2020. Et voilà, petite nouveauté également de cette quatrième saison, un vendredi sur deux, dans ces vendredis consacrés à la science-fiction, eh bien nous allons faire un petit journal de la science-fiction, Natacha. On écoute un extrait de la série dystopique La Servante Écarlate, adaptée du livre de Margaret Atwood. Heresy. That's what you get punished for. Not for being part of the resistance. Because officially, there is no resistance. Not for helping people escape. Because officially, there's no such thing as escape. You're working hard? Voilà, Offred réussira-t-elle à s'échapper cette saison, la troisième saison de La Servante écarlate diffusée sur la chaîne Hulu. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Virginie Tournet, dont c'est l'une des inspirations. Mais pourquoi nous parlez-vous aujourd'hui de La Servante écarlate, Natacha ? La suite de ce roman s'apprête à sortir en France, Les Testaments, le 10 octobre aux éditions Robert Laffont. L'histoire se déroule 15 ans plus tard. Et pour ce nouvel opus, l'écrivaine britannique Margaret Atwood vient d'être nommée parmi les 6 finalistes 2019 du Booker Prize. Elle l'avait déjà reçue en 2000 pour son roman historique Le Tueur aveugle. La prestigieuse récompense sera décernée le 14 octobre. Une adaptation en série télé du Testament est déjà prévue. Autre série télé annoncée par Netflix cette fois, une production belge originale qui s'appelle Into the Night. Ouais, le pitch de cette série SF, le soleil est subitement devenu mortel pour tout être vivant. On suit donc un groupe de personnes à bord d'un avion qui tente de survivre et d'échapper aux rayons solaires. Cette série en 6 épisodes est une adaptation de The Old Axel Tot. La sortie de Into the Night est prévue pour 2020. Et on connaît maintenant la date de diffusion d'une série très attendue sur HBO, l'adaptation donc en série de la bande dessinée de Watchmen. L'adaptation du roman graphique d'Alan Moore et Dave Gibson est en effet très attendue et sera donc diffusée à partir du 20 octobre sur HBO et en France sur OCS. Des super anti-héros en 9 épisodes avec au casting Jeremy Irons. La série est signée Damon Lindelof, le producteur et le scénariste de 2 autres séries à succès, Lost and The Leftover. Le 21 septembre, plusieurs capitales du monde vont projeter dans le ciel le Bat-signal. Le 21 septembre, c'est un jour officiel, celui du Batman Day. L'initiative nous vient de DC Planet, qui fête les 80 ans du super-héros chauve-souris. Le 21, donc, la ville de Paris prendra des allures de Gotham City. Et puis, pour ne pas déroger à une tradition à laquelle vous tenez, vous, auditeurs fidèles de la méthode scientifique, on termine ce journal des sciences par la rubrique de sciences improbables. Et aujourd'hui, Natacha, un adolescent anglais est devenu aveugle parce qu'il se nourrissait exclusivement de chips. Oui, de chips et de frites. C'est un cas extrême qui a été étudié cette semaine. Dès l'âge de 11 ans, l'adolescent avait cessé de manger des fruits et des légumes. À 14 ans, il se plaignait d'une immense fatigue. Il ne présentait pourtant aucun signe de malnutrition. En réalité, il souffrait d'une neuropathie optique toxique et carentielle. Les carences alimentaires ou l'absorption de matières toxiques peuvent provoquer cette pathologie bien connue. Et voilà un excellent argument pour faire manger des brocolis à votre progéniture. Merci beaucoup Natacha Trillon, on vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences en quotidienne. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10 sur France Culture. Nous sommes donc dans une émission de fiction consacrée à la rentrée littéraire en science-fiction. Premier ouvrage, premier roman. Nous sommes en 2062. La vie quotidienne, toute l'activité de l'humanité est régulée par une intelligence artificielle qui a été nommée Lila, en 2 mots. Vraiment tout, la circulation, la santé, la température, tout passe par Lila, qui nous parle d'ailleurs à la première personne dans l'incipit du roman, avant de s'éclipser. Et c'est là que débute vraiment Civilisation 0.0, ce roman, votre premier roman, Virginie Tournet, aux éditions Glyph. Que devient la civilisation lorsque cette intelligence artificielle qui régule tout tombe en panne? Avec Noah, qui est votre protagoniste, on va donc redécouvrir comment la vie s'organise, comment le numérique et la délégation des tâches a fini par couper l'humanité de son existence. Alors je le disais, Virginie Tournet, c'est votre premier roman, vous êtes chercheuse. Qu'est-ce qui vous a amené, déjà d'une, à vous tourner vers la fiction et deux, à vous tourner vers la science-fiction à proprement parler? Alors tout d'abord, ce roman est une fiction politique. Et c'est une fiction qui part d'une interrogation en apparence simple et que l'on retrouve en fait beaucoup dans les travaux de sciences humaines et sociales. Alors, l'interrogation romanesque, c'est que se passerait-il si toutes nos infrastructures techniques et numériques s'effondraient brutalement? Mais ça soulève une question de fond qui est que resterait-il de ce qui fait société? C'est-à-dire que resterait-il de ce qui fait que l'homme s'envisage, se conçoit comme un élément de cette société, c'est-à-dire comme un citoyen? Alors, on peut y répondre de façon scientifique, en mobilisant des travaux d'anthropologie, de philosophie politique, enfin vraiment tout le corpus de sciences sociales. Mais j'ai trouvé que c'était assez amusant en fait d'essayer d'intervenir sur un autre mode un peu plus ludique en utilisant la fiction comme un mode d'exploration du réel, alors qui n'a absolument pas prétention à avoir une valeur scientifique en tant que telle. C'est simplement d'utiliser d'autres outils, d'autres leviers pour explorer le monde réel. Et je trouve en particulier que la dystopie donc qui consiste en fait à imaginer des modèles de société qui sont délétères sur un plan collectif à plus ou moins long terme. C'est un genre littéraire qui est particulièrement adapté pour cela, parce que en fait, ça nous permet à nous, romanciers, de plonger nos personnages dans des univers qui sont viciés, soit dans leur organisation, soit dans leur fondation. Et ça nous permet aussi, je dirais, de travailler, d'explorer la société dans toute sa complexité. Parce que la société, c'est pas simplement des gens, c'est aussi des individus qui sont reliés entre eux par des infrastructures techniques, et puis surtout qui sont portés, qui sont mus par des représentations sociales, qui sont mues par des logiques symboliques. Mais alors, on va revenir, puisque avec Jean Barret, on est dans une autre forme de dystopie assez différente, mais qui a tout de même quelques points communs. Alors, c'est une grande question qu'on s'est souvent posée à ce micro. Est-ce que la SF, aujourd'hui, à l'aube de 2020, n'est plus capable que de produire du récit dystopique? Moi, la question que je voulais vous poser, Virginie Tournet, c'est ce roman, ce premier roman, il est issu de vos travaux. On entend que vous avez une position, une approche qui est finalement assez scientifique, finalement, de la science-fiction. Vous êtes vous-même chercheuse en sciences politique. Est-ce que vous avez lu de la science-fiction? Quels sont les modèles ou les images ou la littérature que vous aviez en tête? Pourquoi la SF en fait? Plusieurs choses. Alors, bon, je suis donc un chercheur en sciences politiques, donc mon métier, c'est d'analyser sur un plan scientifique la vie sociale et politique. Donc, mes influences, je vais pas vous le cacher, elles ont été à la fois donc de l'ordre de la science-fiction, mais aussi elles relèvent également un peu de la littérature scientifique. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans cette initiative de roman, c'est de tester des tendances, je pense, qui sont présentes en toile de fond dans nos sociétés contemporaines. Donc là, c'est vraiment la chercheure qui parle, mais d'essayer d'accentuer ces tendances dans des dystopies pour voir ce que ça fait, pour voir comment les valeurs, les normes des personnages sont éprouvées et sont éprouvées au niveau même de leur corps. Pardon, je vais pas vous interrompre, mais on entendait justement là, on évoquait le travail de Margaret Atwood qui est revenue sur le devant de la scène justement grâce à l'adaptation assez réussie dans les premières saisons. La troisième saison, je pense que c'est un peu plus discutable, mais ça c'est un autre débat, de La Servante Écarlate. C'est un univers qui vous parle, qui vous a habité, que vous avez fréquenté. Oui, parce qu'en fait, ce qui est fascinant dans son ouvrage, c'est qu'on est dans un régime totalitaire où la religion domine la politique, où les femmes sont réduites en quelque sorte à leur fonction procréative. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça pourrait se passer dans un futur relativement proche. C'est-à-dire que le point de basculement de la société américaine, ça pourrait être demain, ça pourrait se produire en 6 mois. Et c'est ce qui m'a particulièrement intéressée en fait dans l'œuvre de Margaret Atwood, c'est cette dimension-là que les choses peuvent basculer du jour au lendemain, et notamment parce qu'on observe un effacement progressif de ce qui relève finalement de la dimension privée, de la régulation de la sexualité des femmes, qui relève de la sphère privée, et de la dimension publique citoyenne. Et je trouve que c'est ce brouillage un peu du marqueur vie privée, dimension publique du citoyen qui est très intéressante. Comment est-ce que vous avez fait la transition, Virginie Tournet, entre une approche qu'on entend effectivement très scientifique, assez sérieuse, et l'écriture de fiction? Vous êtes plutôt parti sur un premier jet, vous avez fait des plans, c'est, je crois, un travail d'écriture un peu au long cours, hein, c'est un travail qui vous a pris plusieurs années? C'est un travail qui m'a pris plusieurs années. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois, d'abord, dans mon rapport à la fiction, et ça je le vois dans mes travaux scientifiques, l'imagination est quelque chose qui est, je dirais, consubstantiel à toute vie individuelle et à toute vie organisée en société. C'est-à-dire, c'est vraiment le ciment de nos représentations sociales, de ce qui fait société. Pour vous donner un exemple tout simple, évident, pourquoi collectivement, pourquoi nous allons nous faire vacciner? Qu'est-ce qui nous motive à vraiment nous faire vacciner? C'est pas parce que on connaît sur le bout des doigts la théorie de la vaccination, c'est pas parce qu'on a un bac plus 7 en immunologie. Ce qui nous amène à nous faire vacciner, c'est parce qu'on croit, on est persuadé, on tient à ce principe civique d'immunité collective. Et c'est cette fiction positive et nécessaire et salutaire pour le bien-être de la population qui fait que on va se faire vacciner. Et donc, tout ça pour vous dire que je crois que ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la fiction sont des choses indissociables. Simplement, c'est des choses qui ne peuvent pas être mises en concurrence et qui n'ont surtout pas le même statut épistémologique. La raison, la connaissance, c'est ce qui permet de construire, d'organiser, on va dire, les savoirs, tandis que l'imagination sociale, c'est vraiment ce qui nous permet de construire, d'organiser la vie en société. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas véritablement séparer. Alors on va parler un peu de la nature et de la narration, de l'histoire que vous racontez, mais la question que j'ai envie de vous poser quand je vous écoute, Virginie Tournet, c'est ce roman, c'est une fiction ou est-ce que c'est une thèse déguisée derrière un masque fictionnel ? Non. Est-ce que c'est une thèse de science politique ? Non, pas du tout. Ou un exercice d'anticipation ? Absolument pas. Et ce n'est même pas une prospective scientifique. Simplement, effectivement, je me suis amusée par rapport à certaines observations de la vie sociale, de la vie politique, à accentuer, on va dire, certaines tendances et à voir... Où ça conduit. Dérouler un fil. Dérouler un fil et voir en fait comment ces tendances-là étaient éprouvées au niveau même, je dirais, des personnages, du corps de mes personnages. Le point de départ, ça vous est venu tout de suite, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, vous disiez à l'instant, La Servante Écarlate, ça peut être dans 6 mois, ça peut être demain. Civilisation 0.0, c'est dans combien de temps ? Alors ça, écoutez, comme ce n'est pas un exercice de prospective scientifique, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je peux vous dire quelles sont, on va dire, les deux grosses tendances qui me semblent intéressantes et qui, je pense, pourraient amener à considérablement modifier à la fois nos rapports sociaux et les dynamiques politiques à moyen terme. Donc ça, je peux vous donner ces tendances-là. Par contre, je ne peux pas vous dire quand, ni... présupposer de la façon dont elles vont évoluer. Il y a tout d'abord l'hyperconnectivité. Alors, dans ce qui m'intéresse dans le numérique et dans l'hyperconnectivité, ce n'est pas le fait technologique en tant que tel, mais c'est plutôt au fait qu'on assiste à un effacement progressif de la démarcation entre ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la dimension publique du citoyen. Et dans le roman, Jean Barret, non mais j'ai écouté parce que je vous ferai réagir tout à l'heure parce que c'est intéressant parce que c'est un peu les potards poussés mais puissance 10 000 dans votre trilogie Trademark, on y reviendra. Et alors pour vous donner un exemple, un moment dans le roman, je pars des archives de l'Assemblée nationale en 2025 et donc bon il y a les élus qui sont identifiés à partir de leur appartenance politique, mais en fait on se rend compte à la lecture de ces archives que sont également pris en compte leurs préférences alimentaires, leurs préférences religieuses, leurs préférences sexuelles, et que finalement cette porosité entre vie intime, privée, publique, politique conduit d'une certaine manière à une fragmentation des identités politiques et aboutit au terme à une disparition des partis politiques. Donc voilà, ça c'est une première tendance qu'on peut appliquer à différents objets. Et puis la deuxième tendance qu'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est un rapport sacralisé à la nature. C'est-à-dire dans beaucoup de discours, on a tendance à opposer en fait la nature, la question environnementale, à la modernité technique et industrielle. Et c'est vrai que c'est une topique un peu romantique qu'on trouve beaucoup dans l'écologie politique radicale et dans certaines contestations environnementalistes. Et du coup, j'en ai fait un univers dystopique, hein, qui est donc cette zone blanche, donc dénuée de connectivité, dans laquelle se réfugie Noah. Alors, il faut peut-être revenir un peu justement à la narration et à l'histoire. Donc, cette intelligence artificielle, Lila, tombe en panne et d'un seul coup, c'est... effectivement, ce héros, Noah, qu'on va suivre, va se diriger, va se rendre, va rejoindre l'Olympe, hein, c'est cet endroit où se sont retrouvés, parfois volontairement, parfois involontairement, tous les exclus de ce système hyperconnecté. Tout à fait. Alors, un point qui est aussi assez important dans le roman, c'est que je m'appuie en fait sur des personnages qui n'ont pas tous les mêmes référentiels de valeurs, parce qu'ils proviennent de sociétés très différentes. Alors, en fait, vous avez en gros 4 générations très différentes qui s'étalent sur un siècle. Vous avez une extrémité, ceux qui ont fait 68 et qui sont donc nés au milieu du XXe siècle, donc c'est la génération du papier, ce sont les amoureux des livres, du sexe libre, qui ne tolèrent absolument aucune surveillance. Et vous avez à l'autre extrémité, la jeunesse de 2070. Alors là, on est dans une jeunesse qui est hyper connectée, qui vit dans, d'une certaine façon dans une forme de présentisme, qui considère que la connaissance, c'est de l'information continue instantanée, c'est-à-dire que les livres, pour eux, ce sont des supports statiques. Ils ne comprennent absolument pas, en fait, le rapport au livre. Ils n'ont aussi absolument aucune idée de ce qu'est la sphère privée, puisqu'ils ont été en quelque sorte pucés à la naissance et que leur santé, la sécurité, leur déplacement, tout en fait est régi par ce supercalculateur Lila. Donc ils ne savent pas ce qu'est la sphère privée. Et donc ils sont effectivement assez puritains, ils contrôlent leur sexualité, leur alimentation. Et puis entre ces deux extrêmes, vous avez différents types de personnages qui ont certains un souvenir de ce qu'était le papier, certains qui ont été pucés à l'âge adulte. Donc Noah, en fait, vraiment l'importance du narrateur, c'est que finalement il se situe entre ces deux extrêmes. Il est né en 2012, donc il a à la fois profité, on va dire, des avancées de la puce, il est relativement technophile, mais en même temps il est assez réservé par rapport aux promesses du big data. Donc c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'il comprend la génération antérieure et en même temps, il a un regard, on va dire, un peu plus réfléchi sur les promesses de l'intelligence artificielle. Et c'est surtout que dans cet endroit qu'il va rejoindre, qui se situe au centre de la France, en Auvergne, enfin, dans le Massif central, voilà, c'est ce que je cherchais, il trouve vraiment plusieurs communautés qui sont des communautés très très distinctes, toutes voulu échapper à un moment donné à cette société qui est quand même décrite comme du totalitarisme soft, voilà. Et du coup, alors, peut-être décrivez-nous un peu justement ces différentes sociétés, parce que ces différentes sociétés, elles tracent un portrait qui est pas forcément, d'ailleurs, toujours forcément extrêmement sympathique de l'humanité qui veut se déconnecter. C'est-à-dire que on n'est pas complètement dans un univers manichéen. Alors, en fait, ce comté comporte 7 communautés et chaque communauté a une histoire différente. Alors, ce qui est intéressant dans cet archipel, c'est que sous couvert d'un même récit fondateur, qui est en gros une société fondée sur le rejet des systèmes connectés et sur une certaine forme de sacralisation de la nature, en fait, on observe des trajectoires de vie, des destins qui sont radicalement différents. Alors, on a donc à l'origine une proto-communauté qui s'appelle les fondateurs Biobo, alors qui regroupe des militants anticapitalistes, des activistes zadistes, des repris de justice. Voilà, donc c'est finalement un ensemble d'individus assez hétérogènes, qui sont ensuite rejoints par 3 adolescents génies du net, qui sont des cyberpirates, et qui, en fait, progressivement construisent le comté avec différentes communautés. Alors, vous avez la communauté des perdants de l'économie numérique, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas réussi à s'adapter au système hyperconnecté et notamment qui ne se sont pas adaptées au système d'impression 3D qui s'est généralisé. Vous avez également la communauté dite blanche, qui est une communauté très fermée et qui regroupe des personnes électrosensibles, chimiosensibles, donc qui rejettent absolument tout produit manufacturé. Et puis vous avez un autre type de communauté qui s'appelle les radicaux libres, et donc qui s'est constitué sur le rejet des systèmes connectés de la e-santé. Ce qui est intéressant, Virginie Tournay, c'est qu'on pourrait presque trouver des échos un peu dans ces communautés, dans ces gens qui se sont mis en dehors de ce système totalitaire et hyper connecté, des accents un peu damasiens. On retrouve ces espèces d'îlots de résistance. Est-ce que Civilisation 0.0 a une dimension politique assumée comme on peut la trouver chez Damasio? Est-ce que cette critique-là, vous l'assumez-vous individuellement? Moi, je peux effectivement. Ce roman a un message politique. Par contre, je considère que c'est au lecteur de décider si cette histoire est un simple divertissement ou s'il veut en donner une portée politique. Je considère qu'en tant qu'auteur, on n'a pas à être liberticide, on n'a pas à imposer un message dit politique. On n'a pas à être totalitaire, bon, ça dépend, c'est un choix à effectuer. Mais ce qui m'a en fait amusée dans en composant cet archipel avec différentes communautés de destin, c'est de voir comment cette société, qui est finalement fondée sur des récits multiples, était éprouvée lorsque surgit la menace d'une arrivée massive des gens de l'ancien monde hyperconnecté. C'est-à-dire qu'à un moment... ces communautés vont se déchirer entre elles parce qu'elles ne savent pas comment accueillir, quel statut donner aux migrants de l'autre monde. Ils sont tantôt qualifiés de barbares numériques, de migrants, de clandestins, de réfugiés numériques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à travers cette question migratoire que ce comté se sent menacé au niveau de son identité collective, alors que finalement, rien n'atteste concrètement que les gens de l'ancien monde hyperconnecté vont rejoindre ce comté. D'autres projets dans les cartons, d'autres idées de fiction après cette civilisation 0.0, Virginie Tournet ? Écoutez, je dois dire que l'écriture de ce roman m'a complètement passionnée par son aspect ludique. Je trouve que c'est vraiment très grisant de pouvoir inventer des univers de fiction, de créer finalement des lieux avec des règles propres et surtout de ne pas essayer d'expliquer. Parce que le problème dans l'activité scientifique, c'est que l'écriture sert à expliquer. Et là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de donner un tableau, de créer un ressenti chez le lecteur. Et ce qui est aussi très, à la fois un pari stimulant et risqué, c'est que contrairement aux publications scientifiques où vous avez la légitimité, l'autorité finalement de la publication, là c'est le lecteur qui décide si la fiction est une fiction réussie, si le message que vous avez transmis a été bien reçu. C'est le lecteur qui, in fine, est juge de ce travail. Eh bien, nous vous laisserons juger de ce que vient d'évoquer Virginie Tournet dans Civilisation 0.0. C'est aux éditions Glyph. I'll have some clam chowder followed by beefsteak on rye, pumpkin pie, whipped cream and coffee. I want a green salad on the side, don't forget the french fried pizza pie, garlic and anchovy. I keep burning up calories as fast as I keep putting them down. Eat food, put it in my mouth, chew it up, side order. You gotta stay fit, stay alive, eat food to sustain a non-stop high-grade performer. That piece is continual, sure keeps running me down. Don't you know that you gotta eat food? Don't you know you've got to review. Find the maximum consumption. Maximum Consumption des Kinks à 16h32 sur France Culture dans la méthode scientifique. Maximum Consumption parce que ça peut se traduire en français non pas par consommation maximum mais par pléonexie, soit le désir d'avoir plus que les autres en toute chose, une pulsion qui sous-tend, et le verbe tendre, vous allez le comprendre très rapidement, est employé dans toute sa polysémie. Les deux premiers volumes de la trilogie Trademark de Jean Barret, après Bonheur TM qui était publié l'an dernier, nommé au Grand Prix de l'Imaginaire, qui d'ailleurs a été nommé, sera représenté, vous nous le direz tout à l'heure, dans le prochain Festival des Utopies à la Nantes. Vous publiez, Jean Barret, cette rentrée, donc le deuxième volume de cette trilogie Trademark, qui a été écrit pourtant avant Bonheur, VTM, donc c'est les trois, évidemment, sont aux éditions du Bélial. Néanmoins, c'est pas vraiment une suite, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé cette trilogie comme trois romans indépendants les uns des autres, c'est pas les mêmes personnages, on est tout de même dans un univers qui est très très proche, avec beaucoup beaucoup de similitudes, mais ce sont des romans indépendants. C'est ça, tout à fait. Un petit mot peut-être sur la trilogie en elle-même. Le but, c'était de parler de questions extrêmement vastes, comme le sens de la vie, la transcendance, qu'est-ce qui donne un sens à mon existence. Alors, à mon avis, en tout cas à mon ressenti, il y a trois grands courants qui sont représentés un peu chacun par les différents volumes. Le premier, c'est la consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne une valeur à ma vie ? C'est moi, c'est ma consommation, c'est mon être qui est fondamental et qui doit représenter mon mes tenants et mes aboutissants. Donc je consomme, je surconsomme, et j'en dirai un mot peut-être après. Bien sûr, c'est d'ailleurs l'un des gimmicks de Bonheur TM. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui dit avez-vous consommé aujourd'hui ? Il faut consommer. C'est ça. Et votre personnage principal est un flic qui pousse les gens à consommer quand ils ne consomment pas assez. C'est un flic à la consommation, voilà. Exactement. Cette première tendance, c'est donc nous. Au centre de nous-mêmes. La deuxième tendance, me semble-t-il, dans la société, c'est une tentation, je dirais, fasciste. C'est-à-dire, qui c'est qui me donne des valeurs, qui c'est qui me donne un sens à ma vie ? C'est un tiers, c'est un autre, c'est un chef, c'est l'État, c'est la nation, c'est un duce, c'est tout ce que vous voulez. Et pourquoi pas une intelligence artificielle, un algorithme, d'autant plus dangereux, entre guillemets, qui nous est vendu aujourd'hui. L'intelligence artificielle, l'algorithme, nous est vendu comme étant supérieur, potentiellement, à l'être humain. Donc, quoi de mieux que de faire confiance, que de s'en remettre à ce chef suprême. La troisième, et ça c'est donc le roman VTM plus particulièrement centré sur cette question. Troisième courant, ce sera Mort TM, et c'est plutôt, ce sont les religions. C'est-à-dire à ce moment-là, les valeurs me sont données par un dieu ou des dieux ou de la magie ou du surnaturel ou tout ce qu'on veut. C'est donc je me tourne vers du surnaturel. Et ça, il est déjà écrit, hein, Mort TM. Il est déjà écrit, oui, tout à fait. Il est déjà écrit. Publié à la rentrée prochaine, tout à fait. Donc, Bonheur TM, c'est celui qui est sorti l'année dernière, c'est la pléonexie, c'est-à-dire le besoin de consommer toujours plus. Alors, un petit mot, c'est la pléonexie, c'est Bernard Mandeville. Alors, je vous le dis, allez-y. Vous ne le saviez pas, moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à ce que je le découvre dans les écrits d'un philosophe, Denis Robert Dufour, mais c'est Bernard Mandeville qui est notre saint patron. C'est à lui que nous devons toute notre société, car c'est lui qui, en 1714, je crois, de mémoire, a écrit La fable des abeilles, et nous apprend que les vices privés font les vertus publiques et que notre société fonctionnera si nous sommes d'autant plus débridés, libérés, que nous laissons parler tous nos vices. Pourquoi ? Parce que le marché répondra toujours, il y aura toujours de quoi consommer. Et, c'est-à-dire le marché apportera toujours une réponse, une satisfaction, tous les désirs, à toutes les pulsions, et vous poussez là ça, cette tendance ou cette pensée vraiment à son paroxysme dans tout ce que ça peut avoir d'ailleurs de violent, de sexuel. Et il faut le dire peut-être préciser maintenant, Jean Barret, vous avez une littérature qui est une littérature, on va dire, puissante, qui peut emprunter. Alors, on cite souvent, pour vous comparer, Bret Easton Ellis ou Chuck Palahniuk. C'est vrai que ça peut faire penser ça m'a fait penser notamment à l'estomac, sur ce côté très, très brutal, très sexuel. C'est une littérature hypercute. Comment vous avez construit cet univers-là? Parce que, et c'est aussi, il faut le préciser, une littérature très drôle. C'est-à-dire qu'il y a un humour grinçant en permanence. C'est souvent assez cynique. Comment est-ce que vous trouvez justement cet équilibre-là? Est-ce que vous écrivez au fil du clavier? Est-ce que c'est votre style absolument? Ou est-ce que c'est un style que vous avez adopté précisément pour cette trilogie? Non, alors c'est en effet au fil du clavier. J'écris tous les jours, un petit peu, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, mais tous les jours. Et ce qui permet avec le temps de quand même cumuler un certain nombre de pages. Et c'est au fil du clavier, c'est au fil du ressenti, de l'intuition. Bonheur TM est parti d'un des ouvrages, je le disais, du philosophe Danny Robert Dufour, qui s'appelle Délire occidental, qui met tout un tas de mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X de notre société. Qui postface vos livres aussi. Oui, qui m'a fait l'amitié de me postfacer Bonheur TM, parce que je l'ai écrit, donc c'est une impulsion, c'est un sentiment, c'est pas quelque chose de très réfléchi, de très construit. Ça génère presque une douleur que je mets en scène, que je mets sur papier tous les jours un peu. Les personnages se construisent, les personnages se révèlent. Donc la violence de cet univers vient de la violence de notre univers. de ce que finalement c'est une, je disais, une des tendances, c'est pas la seule, mais une des tendances consuméristes qui pousse à abandonner les valeurs. Et si vous abandonnez les valeurs ou si vous les marchandisez, eh bien naturellement ça devient plutôt violent. Alors ce qui n'empêche pas qu'il y ait des lois, la preuve, il y a même des lois très sévères dans mon univers pour condamner ceux qui ne voudraient pas consommer. On est dans Bonheur TM, là, parce que ça devient un crime. Mais voilà, si on pousse à la consommation et à libérer ses vices privés pour faire des vertus publiques, eh bien, ça devient très violent. Dans VTM, on est plus sur la tentation fasciste, c'est-à-dire le fait de se laisser organiser par une intelligence artificielle qui vous dit quoi faire, comment découper cet enduit, etc. Alors, on va justement peut-être raconter un peu cette histoire de VTM. On suit une personne qui vit dans 8 mètres carrés, dans un univers qui est totalement virtualisé par l'intelligence artificielle et dont la vie est régulée complètement par une intelligence artificielle. D'ailleurs, il n'a pas de nom, il va avoir un pseudo dans un certain nombre d'espaces de convivialité virtuelle, mais son nom, c'est un numéro de code, vous le connaissez par cœur. C'est ça. Non, j'avoue. X23T800S13E616. Voilà, c'est le nom du personnage. Donc, je viens de le lire, je ne l'ai pas retenu, je précise. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on est tout de même et dans Bonheur TM et dans VTM. Voilà, donc on est un peu proche aussi de ce qu'on pouvait trouver chez Gibson ou même dans Matrix, c'est-à-dire dans vraiment l'être humain limité à sa plus simple expression. Ils sont complètement rasés, ils ont plus de cheveux, ils ont un code-barre sur le front. C'est des machines à produire. Alors, je crois et à jouir, voilà, c'est important. C'est ça, c'est important. Dans le roman, c'est important. Oui. Il y a une considération à prendre en compte. Si vous neutralisez complètement une société, je vais dire par là que si vous mettez tout le monde dans l'absolue égalité, c'est-à-dire que tout le monde mange la même chose, tout le monde vit dans le même genre d'appartement, ou en tout cas de cube de vie, parce que là, c'est quand même un petit espace, plus qu'un appartement, tout le monde a les mêmes meubles, etc. À ce moment-là, vous avez en revanche la possibilité de vous évader dans un univers virtuel extrêmement riche, extrêmement varié. Donc ça contrebalance un matériel complètement égalisé avec un virtuel totalement débridé. Et l'idée du roman, c'est que l'intelligence artificielle considère que pour tenir les hommes, on va dire, et pour les maintenir à égalité, il faut qu'ils puissent exprimer leur folie à nouveau, du coup, consumériste, de tous les vices possibles, mais cette fois-ci, non pas dans la société, la vraie, j'allais dire, entre guillemets, en tout cas la matérielle, mais dans une société virtuelle. D'où on retrouve ce penchant à la surexcitation, à la surconsommation, à la surjouissance, mais cette fois-ci dans un univers numérique. Je vais, si vous me permettez, lire un petit extrait pour que les auditeurs entendent votre prose. C'est tout début donc de VTM. Ce qu'il faut préciser, c'est donc on suit chapitre après chapitre ce personnage, donc dont j'ai dit le nom de code, mais je vais vous dire tout à l'heure, il a un nom, il s'est pris un pseudo pour tous les espaces de convivialité virtuelle. C'est Sylvester Stallone. Alors j'adore votre goût pour les pseudos. Il y a Sylvester Stallone. J'aime beaucoup Simone de Beauvoir, qui me fait personnellement mourir de rire. Steven Seagal, etc. Bref, et le problème majeur de Sylvester, c'est qu'il est dépressif. Il est vraiment très dépressif. Et donc, à la fin de chaque chapitre, il se tire une balle dans la tête. Il est ranimé le lendemain. Et un peu par hasard, l'intelligence artificielle va le conduire dans un programme pour dépressif et pour traiter sa dépression. Mais bon, alors on lui propose plein de choses. On lui propose la religion, on lui propose la psychanalyse, lacanienne, jungienne, freudienne, bref. Et lui, par hasard un peu, il choisit le nihilisme, et donc il va prendre des cours de nihilisme avec l'intelligence artificielle. Tout ça est vraiment assez drôle et assez grinçant, et je vous lis juste un petit passage. Donc, il vient de se réveiller à nouveau après s'être tiré cette balle dans la tête. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui parle. Scan réussi, citoyen X23T800S13E616 identifié. Temps de travail quotidien restant à vendre, 6h30. Temps de prochaine nuit restant à acheter, 6h30. Temps d'amour mensuel restant à acheter, 43h. Temps d'amitié mensuel restant à acheter, 8h. Temps de loisir mensuel restant à acheter, moins 8h. Crédit restant sur votre compte en banque, 4632. On reprend donc la narration. Il peste mentalement d'avoir dormi 1h30 de trop cette nuit, ce qui réduit mécaniquement sa journée de travail. Et par conséquent, s'il a dormi 9h30 au lieu de 8, il ne pourra vendre son temps de journée qu'à hauteur de 6h30. Et il devra dormir 6h30 cette nuit pour pouvoir rétablir l'équilibre et donc travailler demain 9h30. Autre bilan à tirer de ces informations. Il reste 4 jours avant la fin du mois. Il a donc consommé ses 2 heures d'amitié quotidienne ainsi que ses 2 heures de loisirs, qu'il a même allègrement dépassé, et il se trouve maintenant en débit. En temps d'amour, en revanche, il a du retard. Il pense à son butt plug TM et à son pump pénis TM qui prennent la poussière dans son placard. L'amour n'est pas son fort, et maintenant qu'il a pratiquement un cycle d'existence, la jouissance ne lui manque plus autant que dans ses premières années. Ces derniers temps, il préfère utiliser ses disponibilités pour les loisirs. L'improductivité est un luxe, et d'ailleurs il va devoir s'activer pour rééquilibrer sa vie. Même si son débit de loisirs pourrait être imputé sur son crédit d'amour, c'est quoi déjà le coefficient actuel en vigueur? 1,843, il faudra qu'il vérifie. Il va finir par être détecté par un algorithme et il sera obligé de remplir des formulaires et il faudra procéder à des transferts entre ses comptes et putain de bordel de merde, il déteste ça. Commentaire libre, Jean Marais. Alors, je vous remercie, c'est un très bon, c'est un très bon choix, une très bonne lecture. Le passage en question, ça traduit, je crois aussi, un autre phénomène dans notre société. Beaucoup de personnes, quel que soit le niveau socio-culturel, économique ou ce que vous voulez, sont finalement un peu perdus. Je vais dire par là qu'ils ne savent plus vraiment ce qu'ils font ni pourquoi ils font. On est souvent quand même relativement déraciné. On sait qu'il faut travailler parce qu'il faut gagner de l'argent. On sait qu'il faut avoir des loisirs. On sait qu'il faut bien sûr avoir un conjoint ou plusieurs ou de l'amour en tout cas d'une manière ou d'une autre. On sait tout cela. On sait qu'il faut découper ses journées. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi? Est-ce qu'on sait comment marche au fond la société? Est-ce qu'on connaît vraiment l'économie dans sa subtilité? Est-ce qu'on sait comment les lois sont prises? Est-ce qu'on sait la différence entre une ordonnance, un décret loi, une loi? Pas forcément, et je pense que même peu de gens en réalité le savent. Et un des gros problèmes de Sylvester Stallone, c'est de se retrouver perdu un peu dans tout ça, en ayant conscience que c'est ce qu'il faut faire, que c'est bien de le faire, mais sans plus trop savoir pourquoi au fond il faut le faire quand même, et ça génère un trouble, et je crains, parce que je pense que malheureusement c'est vrai, il y a un grand nombre de nos concitoyens qui se retrouvent un peu perdus comme ça et qui peuvent se retrouver dans une situation, oui, de un peu de dépression, de souffrance, parce qu'ils vivent, mais voilà, ils savent plus pourquoi. Et tout n'est que marque déposée, tout n'est que consommation, que encouragement à la consommation, y compris sexuelle. Il ne leur reste plus que ça à ces pauvres personnages qui sont enfermés dans leurs 8 mètres carrés, c'est jouir comme on l'entend avec des machines connectées. Et alors ce qui est quand même des livres, VTM peut-être encore plus d'ailleurs que Bonheur TM, extrêmement noir, extrêmement pessimiste. Hein. Grosso modo, votre ambition c'est de dire nihilisme, consumérisme, fanatisme, fatalisme, que choisir? Ouais, dis-donc, le choix quand même pas très très brillant. Non. Et malgré tout, on rigole vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quand même une touche d'humour noir assez cinglant. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui vous est constitutif, c'est votre plume, c'est votre personnalité, c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez poussé. Quand je dis pousser les potards, c'est vraiment un sentiment. On a l'impression que vous poussez tous les potards au maximum, et c'est ce qui rend le livre, pour le coup, très jouissif à la lecture. Alors, je ne l'ai pas spécifiquement travaillé. Je pense que j'aime bien l'humour noir d'une manière générale. Il y a aussi que ce genre d'univers, peut-être, quand on prend un peu de recul et qu'on voit des personnages qui sont empêtrés dedans, quelque chose de drôle, enfin de drôle, en tout cas de drôle. De l'humour de l'entomologiste. Hein. Voilà, exactement. Mm. Mais en même temps, parce que ces personnages ne sont pas forcément très conscients de justement des travers de leur société, voire parfois ils peuvent considérer qu'ils sont plutôt dans une bonne société. Sylvester, il est conscient, alors, c'est ce qui le rend dépressif. C'est pour ça qu'il se suicide tout à la fin de chaque chapitre. Mais ses amis, ses contacts, etc., eux sont plutôt très satisfaits. S'il en parle avec ses camarades, ils ont du mal à comprendre d'où vient son trouble. Parce que finalement, tout le monde trouve ça formidable d'être à égalité, d'avoir à manger, à boire, un toit, et puis la possibilité de s'exprimer dans des univers illimités. Donc il y a un personnage englué dans cette société qui finalement révèle ses travers. Si je peux dire un mot, parce que pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit est-ce que la SF aujourd'hui, parce que c'est lié je pense, ne peut plus être que dystopique. Alors, je pense que la SF... Vaste débat. Je pense que la SF, en tout cas, je vais pas y répondre, mais je vous donne juste, juste une intuition. Je pense que la SF parle du présent, bien sûr. Elle parle pas de l'avenir. Elle parle de l'avenir, mais pour parler d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le terreau parfait d'une société dystopique. Je ne dis pas qu'on est en dystopie, mais on en a le terreau. Pourquoi ? Parce que on a d'un côté des promesses d'une technologie, d'un avenir radieux. On a la nanotechnologie, on a on nous parle de pouvoir vaincre la mort d'ici 50 ans, etc. On a en même temps le populisme. Il y a pas les scientifiques qui parlent de vaincre la mort ne sont en général pas des gens auxquels on apporte énormément de crédit. J'en ai vu dans TED. J'en ai vu dans les cycles de conférences TED. Mmh. Ils sont peut-être pas tous d'accord, crus et entendus. On en trouve moins dans les revues à comité de lecture. Peut-être, ça certainement. Mais en tout cas, dans la société, cela est dit. Ça veut pas dire que c'est une réalité, mais en tout cas, c'est une idée qui flotte. Ça nous est vendu. Et on nous vend aussi le populisme, on nous vend la crainte, la montée de la Chine, la montée de l'Inde et tout ce que vous voulez. On nous vend la destruction de la planète, les problèmes écologiques majeurs. Alors vous avez d'un côté une promesse d'un lendemain qui chante. Il n'y a qu'un pas à considérer qu'il y a une élite qui sera capable de l'avoir et pas tellement les autres. Pour les autres, le désastre écologique. Pour les autres, le populisme. Est-ce que c'est pas un peu le terreau d'une dystopie? Alors, si on veut parler de notre société et le décaler dans l'avenir, je crains qu'on soit amené à se décaler vers une dystopie. Votre arme contre la dystopie, c'est l'humour noir. Oui. Non, mais vraiment, je le redis aux auditeurs, on rigole vraiment beaucoup en vous lisant. Alors, c'est un rire grinçant. Par exemple, ce pauvre Sylvester qui passe son temps à essayer de se suicider. À un moment donné, l'intelligence artificielle lui demande s'il veut enregistrer ses suicides dans la case loisirs. Personnellement, ça me fait beaucoup rire. Oui, parce que là aussi, je crois que c'est pas le marché, mais c'est la réponse de la société. Il y aura toujours une réponse de la société. Vous serez toujours absorbé par la société. Vous pourrez jamais la fuir. Récupérer dans le sens de la consommation. Récupérer dans le sens de, on va vous remettre dans le circuit, on va entre guillemets, marchandiser, que ce soit dans le monde matériel ou que ce soit dans les univers virtuels, on va vous récupérer. Vous pourrez jamais en sortir. Ces registres-là, ils peuvent susciter, je pense, des réactions effectivement d'adhésion. On rigole, on grince des dents, c'est parfois violent, c'est parfois très sexuel. Vous flirtez avec la vulgarité de manière assez volontiers, assez volontaire en tout cas, sans vous en cacher. Ça, vous avez eu des réactions parfois un peu complexes de lecteurs. Bien sûr. En même temps, ce sont pas des romans qui sont écrits pour plaire à tout le monde. L'idée, c'est peut-être même de bousculer un peu quand même le lecteur, de lui faire mal, c'est un grand mot, mais de l'amener à se positionner, un inconfort, voilà, de l'amener à voir certains aspects de sa société que peut-être il ne voit pas forcément parce qu'il est justement pris dans sa vie de tous les jours et qu'on n'a pas toujours le loisir ou le luxe de s'arrêter pour y réfléchir. Donc le but, c'est quand même de bousculer, le but, c'est un peu de générer de l'inconfort. Il y a des lecteurs qui sont choqués, il y a des lecteurs qui n'aiment pas la vulgarité, il y a des lecteurs qui sont peut-être, justement, ça choque leurs valeurs, parce qu'heureusement quand même, il y a toujours malgré tout un peu des valeurs, on n'est pas comme dans mes univers, elles n'ont pas peut-être toutes disparu, il y en a encore un peu, mais elles sont en voie de disparition. Votre éditeur Olivier Gérard, qui est de l'autre côté de la vitre en régie, il y a des moments où il vous a dit hop, attends, réduis un peu, là tu vas quand même très loin, tu pousses le bouchon très loin, il faut on va le mettre de côté, on va... Ah non, pas du tout. Alors il m'a fait absolument aucune censure. Je pense que parce que il a bien sûr compris et intégré la volonté, et d'ailleurs la volonté de cet ouvrage, de ces ouvrages. Et d'ailleurs c'est un projet éditorial entre guillemets risqué, et je l'en remercie d'autant plus volontiers que voilà, c'est un pari risqué, parce que précisément c'est une littérature qui est pas consensuelle, qui n'est pas faite pour à nouveau pour plaire à tout le monde. Et quelle est la limite justement dans... Est-ce que vous diriez qu'il y a une part de provocation dans cette trilogie Trademark, Jean Barret? Non, en tout cas, c'est pas fait pour provoquer. Je l'ai écrite en étant dans la logique la plus pure possible. Si les vices privés font les vertus publiques, si je décale ça dans le temps et si je le pousse jusqu'au maximum, où est-ce que je vais? Et je pense que déjà dans notre société, il y a quand même énormément de vulgarité, il y a énormément de violence, il y a énormément de choses qui sont choquantes. Si je le décale dans l'avenir, ça sera forcément encore plus choquant. Mais c'est pas fait pour, c'est juste une conséquence de cette logique littéraire. Est-ce qu'il y a une ambition politique aussi? Une ambition politique. Je pense. Alors, je vais préciser ma question. Je pense, par exemple, au rapport au corps. Alors, vous êtes, vous le dites vous-même, grand fan de culturisme, de musculation, et le rapport au corps, notamment dans VTM, mais aussi dans Bonheur TM, on a tendance à comprendre finalement que l'absolue liberté de faire ce qu'on veut de son corps, c'est-à-dire qu'on peut le modifier à l'envie, en faire ce qu'on veut, changer de sexe, etc. C'est tout de même l'aboutissement de l'ultralibéralisme et de dire finalement le corps devient un objet totalement modifiable selon selon les envies, et donc un objet avec lequel qui rentre finalement dans une marchandisation, dans un commerce de l'apparence. Oui, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est dans notre société, même déjà aujourd'hui, c'est la réalité qui devient notre notre sujet, notre jouet. C'est-à-dire que si je veux que la réalité soit différente de celle qui est celle qu'elle est, je dois pouvoir me tourner vers le marché pour y arriver. Alors si je décale ça là aussi dans le futur, bah oui, je peux changer de corps, je peux me mettre des prothèses cybernétiques, je peux me muter, je peux et oui, parce que le alors dans notre société, l'objet le corps pardon est pas totalement un objet encore, mais un objet à notre disposition. Mais on y va doucement. Et oui, bien sûr, c'est un produit de consommation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une façon que nous avons de nous définir. Si je suis, moi, mon propre pourvoyeur de valeur, alors si je décide que je veux être comme ci et comme ça, il faut que le marché m'offre une réponse pour être comme ci et comme ça. Il y a un auditeur qui nous signale que Sylvester Stallone, c'est le nom d'un groupe qui existe depuis, depuis l'an 2000. Vous étiez au courant? Non, pas du tout. Mais voilà, non, pas du tout. Bah, oui, je pense que il y a des... Il fallait mettre TM sur Sylvester Stallone. Juste un tout petit mot d'une seconde là-dessus. Tous les pseudos qu'il y a dans le roman traduisent aussi, ça c'est un autre thème, une infantilisation des citoyens de cette société. C'est-à-dire quand vous remettez complètement à un tiers, que vous le laissez gérer votre vie, peut-être qu'à un certain moment, vous vous infantilisez. Et peut-être que dans nos sociétés, on commence aussi un peu à avoir plus d'existence à travers nos pseudos sur Twitter ou sur autre chose que notre état civil. On aura compris que vous poussez évidemment donc toutes les limites très loin, voire au maximum, avec parfois des moments qui sont dérangeants, notamment, alors là je reviens à Bonheur TM, le héros de Bonheur TM qui s'appelle Toshiba, puisque on troque les prénoms contre des marques et donc on devient des porteurs des écrans publicitaires vivants, qui a une femme cybernétique, qui est un robot virtuel, à qui fracasse tous les soirs, littéralement, et elle se reconstruit pendant la nuit, et la première chose qu'elle lui demande le matin, c'est est-ce que tu veux du sexe oral. On est évidemment, moi, je vous le dis au début, effectivement, dans un truc de malaise. C'est quoi? Qu'est-ce que vous nous dites là? Je vous dis deux choses. Je vous dis d'abord que les femmes sont parfois conçues comme un objet et que ce qui est affreux, j'allais dire, en tout cas dans cet univers-là, c'est que réellement, en définitive, vous pouvez avoir une femme objet. Et au lieu d'avoir une trophy wife, c'est la logique consumériste. Jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous consommez votre conjoint. Au lieu d'avoir une trophy wife, vous avez vraiment carrément une femme objet. Et à ce moment-là, vous pouvez là aussi lâcher toutes vos pulsions. Puisque précisément, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Donc vous achetez une femme robot parce que vous pouvez, si vous voulez, la tabasser tous les soirs. Et c'est formidable, et je mets bien sûr de l'ironie et des guillemets dans ce propos, c'est formidable dans cet univers parce que vous achetez quelque chose. Voilà. Vous pouvez pas taper un être humain, vous pouvez taper une femme objet. Vous êtes en train de nous dire tout de même que le libéralisme, à outre l'ultralibéralisme, l'ultracapitalisme, pousse à produire des psychopathes. Alors, je vous demandais tout à l'heure si c'était des romans politiques. On va dire que c'est tout de même un propos un peu politique, Jean Barret. C'est un propos. Oui, c'est juste que dans l'idée du propos politique, j'ai comme vous disiez tout à l'heure, j'ai pas une volonté de dire quelque chose. J'ai une volonté de mettre un spot sur certains éléments de notre société. Alors oui, bien sûr que si on vous pousse et on vous encourage à libérer tous vos vices, à un moment donné, il y a quand même des chances que vous finissiez assez mal. Ça, c'est donc Bonheur TM, Vie TM, Mort TM, vous dites, autour des religions. Voilà, il y aura autre chose, mais je ne peux pas trop en parler, parce que sinon, je vais faire du spoil, pour reprendre un terme. Vous allez gâcher le suspense. Voilà, mais divulgâcher le suspense. Mais oui, c'est beaucoup autour des religions, parce que c'est un autre, vraiment un autre grand phénomène, où on va se retrouver avec des courants religieux qui offrent des valeurs concurrentes. Et après Trademark, la trilogie donc Mort TM, c'est déjà écrit. Vous avez travaillé déjà sur une nouvelle trilogie, sur quelque chose d'autre, un autre. Oui, plein. Alors pas une nouvelle trilogie, mais plein. Oui. Une histoire de clones pour des questions d'identité. une histoire qui va tourner beaucoup sur la pop culture et le sens aujourd'hui qu'elle a dans notre société et ce qu'elle nous lie entre nous. Et peut-être une incursion dans une littérature plus générale. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Bonheur TM, Vie TM, c'est de la SF qui gratte aux entournures, mais on aime bien quand ça gratte un peu. Vous l'aurez compris, c'est aux éditions du Bélial. Et puis, de l'anticipation, plus politique, plus théorique, mais tout aussi passionnante, dans Civilisation 0.0 de Virginie Tournet aux éditions Glyph. Merci à vous deux. Merci. À toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Dominique Guetzin-Vulfran, Céline Lozé, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation. La semaine prochaine, on prend les mêmes et on recommence. Lundi, nous reviendrons sur l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. Mardi, nous parlerons de la supergravité. Mercredi, des façons de remédier à la pénurie d'eau potable. Jeudi, nous parlerons de l'importance de la cuisson dans l'évolution du genre humain. Et vendredi, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, à la même heure, vous retrouvez le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi, 16h, jusqu'à preuve du contraire.